Super de Sneezy à l'instant. Dooms, okay. Commentaire peut-être, hein. Je te vois que tu es très en verbe. Non, je parlais avec le genre de ami. Mec qui discute au micro avec 80 mecs qui sont derrière. Voilà, avec Candy Cotton. Mm-hmm. Exactement. C'était enfin. Cool la discussion. Ouais, c'était ouais, il parlait de son nouveau pull là, qu'il était en train de faire. Ouais, Candy Cotton, faut aller checker. Collaboration avec Super. Faut aller checker les pulls sur candycotton.fr, c'est ça? .fr. Voilà, candycotton.fr, c'est du très très comme très, ça, très lourd comme on dit. Vous pourrez découvrir ce dont parle Dooms à l'instant, qui vient de négocier un pull dans Planète Rap, parfait. Exactement. Bien pour plus qu'un pull, bien plus qu'un pull. Une collection pour l'hiver prochain. Exactement. Il fait des pulls en peau de bison, bientôt. C'est des privés de jokes, mais tout, on se sait. Très bien. Tu veux pas développer plus? Non, non, c'est trop. Non, restons là. Non, c'est trop. Alors, parlons plutôt. Donc, le morceau, c'était La Coupe à l'instant. C'est extrait de l'album qui est dans les bacs qui s'appelle Super. C'est ça. Un album qu'on découvre. On écoutera un autre morceau d'ailleurs avec Nekfeu dans un instant. Ouais, on s'en tape. On s'en tape, ça arrive. Et un petit mot par contre donc, sur la structure que t'as montée, toi. J'ai monté une structure qui s'appelle Super Sound. C'est pas sur laquelle. Enfin, j'ai pas sorti cet album dessus. Mais en tout cas, je compte développer de nombreux artistes dessus et ma carrière à l'avenir. Et à ma gauche, il y a Take a Mike. Il est ancien. Un mec du Eddie Hyde Gang. Exactement. Qui roule avec 3010. Vas-y, présente-toi mon pote. 94. On s'est déjà vu, Fred. Bah, je sais qu'on s'est déjà vu. En plus, t'es là depuis le début de semaine, donc on peut pas te louper. C'est ça. On s'est vu pour Paris Sud Minute. Exactement, au moment de la sortie de Paris Sud Minute. Et donc, ça, c'est les premières recrues du label. Avec Dooms. Avec Dooms. Exactement. Il y a combien d'artistes? Pour l'instant, on est 3. Ce qui est déjà pas mal aussi, hein. Ça se développe tout doucement. Ça va être très lourd. Donc, il y a qui alors en premier, les sorties, enfin, ce qui va arriver là dans les mois, dans les jours à venir? Tech, il sort un truc très vite là. Ouais, bah moi, ce soir, il y a mon clip qui sort. C'est déjà sorti, frère. Il est déjà sorti. Bon. Ouais, il sort là. Ah, Dooms, tu t'y connais mieux. C'est mieux que lui. Frère, dans quelques minutes, il sort. Chill. Relax-toi. Il n'est pas l'heure encore pour le clip, donc ouais, il est fatigué. Le projet, il arrive aussi, Évolution, le cinquième. Donc voilà. Un clip ce soir qu'on pourra mater, quoi? T'as une chaîne aussi où on peut mater? Exactement, une chaîne YouTube qui s'appelle Take a Mic. Take a Mic. Ça, c'est vraiment. Et donc, le projet, la date de sortie, a priori? Dans les alentours du 20 juin, je pense. On verra comment on fait. On va vous annoncer ça. 20 juin. Et voilà, ce soir, il y a un clip qui sort et... faut mater ça sur la chaîne. Dooms, toi, alors on sait que sur les dates, les horaires et tout, c'est compliqué, mais. Moi, je suis beaucoup plus flexible. Il y a des choses qui arrivent pour toi aussi, on va pouvoir. Ouais, il y a des choses qui arrivent, il y a des clips en préparation qu'on va commencer à tourner, le et projet, un, l'avance. Un premier projet, ouais. Vraiment pas mal. Qui est dans le four et qui va sortir dans pas très longtemps, je pense. On va commencer à balancer des premiers clips. Ouais, on va commencer. Cette envie, Sneezy, justement, de produire d'autres gens. Est-ce qu'à un moment, c'est vrai que t'as 23 piges, tu te dis pas, je pourrais faire ça un peu plus tard. Bah, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire? Non, je sais que je vais avoir du temps, j'arrive à tout combiner et j'ai envie de faire croquer. Je sais que j'ai des plans que je peux partager avec les autres, donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, je sais que. Donc, ça, c'est l'ambition. Sur ma houlette, ça va être cool. Parce que je crois qu'il n'y a pas non plus que le label musique, il y a aussi d'autres choses aussi. Ouais, on fait de la production vidéo avec Cyrine et mon gars Guillaume. On produit des clips, on se débrouille bien. Donc, faire aussi de l'image. Beaucoup d'images. On va aussi coproduire son premier film à Cyrine. Donc, voilà, c'est un petit business qui commence à se monter, ça va être cool. Bon, et ben on suivra ça donc, c'est Super Sound. Yes, Super Sound, super film, super bang. On écoute le morceau avec Nekfeu? Ouais, Nekfeu, on s'en tape. Feu, le 8 juin dans les bacs. Allez précommander cette merde et vous pouvez aussi acheter Super qui est déjà dans les bacs. Et c'est d'ailleurs sur Super que vous retrouverez ce morceau. Exactement.

SNZ. Super simple. Nekfeu. UDNC. Mighty Firebomb. Panam South. Super, l'album de Sneezy. Yes. Avec Nekfeu, ce morceau, on s'en tape. Avec mon refrain. Ah, la Sneezy qui est passé. Sneezy, Nekfeu, pardon, je sais pas, je l'ai vu passer tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore dans le coin. Il doit être dans le coin, oui. Et Sneezy, l'album super. Nous avons donc prévu un petit jeu une fois de plus avec toi, Sneezy. Donc c'est un simple. Vrai ou faux, c'est encore. Non, c'est super ou pas. Ok. Okay. C'est assez super ou pas super. La réforme des collèges préparée par le gouvernement, super ou pas super. J'ai même pas entendu parler, mais d'accord. Ça doit pas être super. Le renvoi de Le Pen par sa fille, de Jean-Marie. Bah tout ça, c'est trop chelou. Super, suspect. Pas super. Suspect plus que super. Ah, plus suspect. Ouais, que... j'ai l'impression que c'est comploté tout ça. Ah oui, toi t'es dans le trip. En tout cas, complot, Jeanne, au secours. Qu'on se l'est pris, on s'est pris cette vidéo à fond. Peut-être qu'elle viendra. C'est freestyle. C'était un freestyle, ouais, c'était une punchline. C'était très très chaud. C'était une très très, très, très, une très, très grosse punchline. Super ou pas ton album? Bah, à vous de voir. Pour bon, moi, je trouve très très très très cool. Donc, on roule. Il aurait même pu s'appeler très très très très super. Très super, ouais, mais il n'y avait plus de place sur le carton. Ouais, c'était compliqué. Super ou pas tes années lycée? Super, ouais. C'est vrai? Bah oui. Que des bons Paul souvenirs. Bert. Paul Bert, pour tous les gens de Paul Bert, ils savent. Mmh. Nekfeu, Alpha, ils savent. Et pour tous les autres aussi. Pour tous les autres aussi, pour les profs, pour les blocus aussi, c'était Goldry, ça. C'était peut-être un peu moins super pour les profs, non? Ouais, mais pour nous, c'était lourd. Tu sais même pas à quel point c'était lourd. Ton premier Planète Rap en solo, super ou pas super? Super. Très bien, bah ça continue. Super. Jusqu'à Marseille, demain ouais. Soir. Avec des gros invités encore. Super ou pas de faire partie de 1995? Bien sûr, super. Mmh. On peut dire un petit mot sur 1995, là c'est repos pour l'instant. Enfin... Ouais, repos plus ou moins, on fait toujours du son ensemble. Tu vois, j'ai Nekfeu sur mon album, je suis sur son album. Alpha il est en train de faire son truc, on est toujours en studio ensemble. Hologramlo il taffe à fond avec Daryl The Ja. Flav il doit faire du business encore ou je ne sais quoi. Mais on fait big up à Watt frérot. On fait les bails, non mais on va revenir en studio très rapidement. Donc ouais. Et faire un autre album. Donc il y a un nouvel album qui est prévu. Bien sûr, tu sais comme on l'a dit depuis le début, on se laisse la liberté de faire nos solos. Et à partir de là, on s'arrêtera jamais. Sur le projet de l'entourage aussi, parce que évidemment, on peut pas. Exactement, il y a l'entourage, il y a le S-Crew, tu vois, tu connais, il y a plein de trucs. Donc c'est une belle patate, mais en même temps, on kiffe et on est tous ensemble. Enfin, dernier, super ou pas, ta vie actuellement? Super, elle a toujours été super, elle sera toujours super. Parce que je dis toujours Alhamdoulilah, donc tout va bien. Très bien. On est avec Sneezy toute la semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau juste après la pub? On va mettre. Vie de chienne. Vie de chienne, tu veux dire un mot? Chienne de vie, pardon. Tu veux dire chienne de vie, tu veux dire un. Parce qu'au début, ça s'appelait Vie de chien. Et j'ai à la dernière seconde, maintenant, il s'appelle. Chienne de vie. Vie, exactement. Tu veux dire un mot sur celui-ci, comment il était ce écrit, morceau, il a été comment écrit. Il était inspiré. C'était comment... très gaulerie parce que, en fait, j'avais un dernier morceau sur mon album que finalement, j'ai pas mis. Avec une chorale d'enfants. Mais quand on m'a envoyé, je vais vraiment dire la vérité, quand on m'a envoyé la chorale d'enfants, j'étais pas prêt. Et les enfants, ils étaient pas sérieux, ça toussait, ça rigolait pendant l'enregistrement. J'ai fait bon, ça va pas être possible. Et j'étais à Los Angeles à ce moment-là et je devais rendre mon album genre dans 3 jours. Donc j'appelle Henri, je lui dis bon, c'est comment, faut que tu me laisses du temps pour faire un morceau. Il me dit non, mais ça va partir à l'usine, nanani. J'ai eu de la chance, il y avait Mike des Birdie Nam Nam là-bas avec qui j'ai fait un autre morceau sur mon album. Je lui dis mec, faut qu'on se pète, faut qu'on fasse un dernier sommort là. Il m'en faut un. On s'est pété. En une journée, on a fait la prod. Et le lendemain, j'ai enregistré, j'ai envoyé ça. Ça a été mixé, masterisé. Et le morceau est gaulerie. Et ceux qui étaient avec moi à LS savent pourquoi il est gaulerie. L'ancienne. Big up à Mago Sydney. On roule. L'ancienne. C'est le dernier morceau enregistré, hein, c'est ça? Donc, si je comprends bien, sur l'album. Exactement. C'est de tout le dernier. C'est pour ça que. T'as beaucoup bossé aussi à Los Angeles, t'as beaucoup fait de son là-bas ou c'était... On a fait beaucoup de son avec Nekfeu, on a fait beaucoup de clips aussi. Mmh. On a fait deux, j'en ai fait deux aussi. Il y avait Les Crew, c'était marrant, il y avait Esprit avec nous. C'était chaud, on a bien gaulerie et on a fait du son. C'était la première fois que t'allais à Los Angeles, si c'était la... Non, c'était la troisième fois que j'allais à Los Angeles. Je commence à être un habitué. Il y a une vibe particulière, il y a un truc particulier. Ah, il y a un truc, hein, je sais pas si à Paname j'aurais pu faire le chaîne de vie. Le chaîne de vie, ouais. parce qu'il est très inspiré à LA justement, tu vas pouvoir écouter ça. Ouais, ouais, j'ai compris. On l'écoute maintenant, c'est extrait de l'album Super. On l'écoute dans un instant, bougez pas, on vient avec Sneezy. Yeah, yeah. Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Sneezy sur Skyrock. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Sneezy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Sneezy. Yup. Je prends du bon temps avec ce top modèle au soleil. Je raconte que j'ai des gros problèmes de sommeil. Elle me raconte tous ses problèmes de riche. Elle fait tellement de faux sourires que ses pommettes se crispent. Elle parle que de grosses caisses et d'oseille. Elle me dit qu'elle a fuck avec Travis Scott. Je sens que la liste est plus longue, on doit être seulement au premier épisode. Elle veut me sauter dessus, j'arrive à le lire sur ses lèvres, hein. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre, hein. À 200 sur la freeway de LA, les cheveux dans le vent, hein. Elle fait penser à cette fille au lycée que j'aimais. Maintenant je prends le temps, oh, oh, de me dire que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Je me dis que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Elle propose qu'on prenne du molly, je préfère qu'on se mette au lit. J'y vais doucement mais elle me dit qu'elle préfère quand c'est torride. Elle me montre qu'elle est en couve de Vogue, je l'appelle boucle d'or. Elle me parle dans l'oreille, elle me touche le torse, hein. Elle me confie qu'elle tombe jamais sur des mecs honnêtes, qu'il y a plus que le véritable amour qu'elle aimerait connaître. Elle subit la jalousie de ses copines du collège. Elle rêve de vivre à Paris, de faire son shopping chez Colette. Je lui ai dit t'es bonne en France et elle a presque compris. J'ai pas mon permis donc je la laisse conduire. Elle fume, elle boit dans sa BM blanche, hein. Elle trouve qu'elle a pas de cul, moi je trouve qu'elle a de très belles hanches. Fine, comme une cigarette, elle a des origines allemandes, hollandaises et italiennes, hein. Quand on est en public, je lui dis de me faire la bise. Elle a des airs de Brigitte Bardot avant qu'elle devienne raciste. À 200 sur la freeway de LA, les cheveux dans le vent, hein. Elle fait penser à cette fille au lycée que j'aimais. Maintenant je prends le temps, oh, oh, de me dire que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Je me dis que j'ai pas une vie de chien. Non, mon gars j'ai pas une vie de chien. Blonde, fine, comme une cigarette, elle a des origines allemandes, hollandaises et italiennes, hein. Quand on est en public, je lui dis de me faire la bise. Elle a des airs de Brigitte Bardot avant qu'elle devienne raciste. Et elle me montre une photo de son père, je trouve qu'il ressemble à Frank Sinatra. Elle s'en fout que je sois galant, elle veut son sac Balenciaga. La weed qu'elle fume tape dans son crâne comme la pâte dans la piñata. Et elle a l'habitude de serrer des hommes d'affaires déjà mariés. Pas un petit con de Paname qui n'en a rien à foutre sa gueule. Ce qu'elle sait pas c'est que ce petit con de Paname n'est pas salarié, mais qu'il a des hommes déjà mariés qui travaillent pour sa gueule. À 200 sur la freeway de LA, les cheveux dans le vent, oh, oh. Elle fait penser à cette fille au lycée que j'aimais. Maintenant je prends le temps, oh, oh, de me dire que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Je me dis que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. À 200 sur la freeway de LA, les cheveux dans le vent, oh, oh. Elle fait penser à cette fille au lycée que j'aimais. Maintenant je prends le temps, oh, oh, de me dire que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Je me dis que j'ai pas une vie de chien. Non, non mon gars j'ai pas une vie de chien. Non mon gars j'ai pas une vie de chien. Je sais pas si c'est une fille bien. Je sais pas si c'est une fille bien. Non j'ai pas une vie de chien. Chienne de vie à l'instant. Yeah. C'est extrait de l'album Super, l'album de Sneezy qu'on découvre entre 20 et 21 cette semaine. C'est ça. Dans quelques minutes, on attaquera le freestyle avec l'équipe qui est là. Avec des studio. Mecs bien chauds. Avec des mecs bien chauds. Mais juste avant, on a aussi le freestyle par téléphone avec Axo, qui, je l'espère, est bien chaud aussi, du côté de Bruxelles. Ouais, normal, normal, normal, normal. Comment ça se passe en Belgique, Axo? Oh, bah, c'est tranquille, hein. C'est comme je l'avais dit à l'ancien freestyle auditeur, là, celui que j'avais fait il n'y a pas si longtemps. Il faut venir voir en Belgique, il y a du talent, il y a du talent. Bon, est-ce que l'album de Sneezy a été reçu là-bas aussi en Belgique? Mais en fait, Sneezy, il est quand même connu ici, hein. On va pas se mentir non plus, il a fait son buzz. C'est fini maintenant? Ouais, c'est fini. son album. Bien, ça, je sais pas si j'en avais pas entendu parler, mais. C'est pas arrivé jusqu'en Belgique, c'est comment? Ça, ça doit être à cause de Skyrock, hein. Ouais, c'est certainement notre faute, parce qu'on n'aimait pas là-bas, donc c'est. Même sur internet, les gens ils écoutent. Est-ce qu'il y a des... Non, tranquille, tranquille. Non, on roule. Non, j'ai rien à dire, rien à dire. On t'écoute, Axo, allez, c'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. Pas de soucis. Ok. Tous ces négros par des billets, on sait pas ce qu'ils en font. Ils jouent les méchants dans le terme, ils sont vraiment gentils dans le fond. Je suis pas gentil dans le fond, mais t'inquiète, je suis gentil dans le vrai. Je suis un figa qui fait, toujours traîné tout en restant frais. Sur la concu, je tire un trait, une barre pour les déterminer. J'envoie un simple feu pour dire à mes équipes déterminées. Elles disent que j'assume pas, que je suis bon qu'à prendre une douille. Tu veux la vérité, chérie, c'est que je m'en bats un peu les couilles. J'aime pas trop les fouilles, donc les bœufs à les fermer dans le game, c'est mes ça se met les va qui est le mec qui est le prêtre. Je sais pas, en tout cas, pas dans mon équipe. Que nous les chèmes sont comme les facs. On est liquide, on les divise, pas sur talenté MC. Panique, des dingues devant le gun, leur dégonce, j'appelle ça une panique. Le seul quand ils sont braqués, ils lèvent les mains comme des balles. Train, on les garde ici sur le snap, on a une panique de train. Bah ouais, je laisse pas mon verre au bonheur vu que je l'ai jamais saisi. Le seul verre qui m'a intéressé, celui de ma tête, vite à blessé. Avant de venir nous voir, ça pourrait être pressant. Tu le prétends, on parlera toujours de ma carrière au présent. Au présent, ouais, au présent, ma voix et mon regard, on les trouve plutôt au présent. Tous les fans que j'embarque dans ma sphère, qu'on ça plutôt que les gens et l'ego à qui j'ai pas donné de l'offre, qu'on ça plutôt que les gens qui fais un peu tapis, c'est qu'on est rentré dans les rues. On tient à tous ces mots, traînant dans mes yeux. Et je voulais faire les voyous, mais ils ont rien vécu. Quand j'écoute leur son, leur commis, m'a déjà habitué. Y'a pas de soucis, si t'étais pas là depuis le commencement. Je leur fais tellement mal, je me suis mis à la vie, ça pense, moi. Ok, Axo, voilà, à l'instant, voilà. En direct de Belgique. Ouais. Et bah, merci à toi, Axo. Ouais, c'est normal. Et bonne chance à ce midi, tout ça. C'est merde, mon pote, bonne chance à toi aussi. Ah, c'est normal. Vas-y, continue. Axo, rappelle-nous sur le net où on peut te retrouver, où on peut retrouver des sons, vas-y. Ouais, donc, on peut me retrouver sur Facebook, là, la page, c'est juste Axo, A-X-X-O. Puis, je vais pas tarder à poster des clips, tout ça. Sur YouTube, c'est Axo officiel. Normal, comme toujours, j'ai pas de Twitter, mais on peut discuter, y'a pas de soucis. Bon, au revoir. Hein. À plus, mec. Eh ben, merci à toi, Axo. Ouais, à l'instant, merci, en freestyle revoir. Par téléphone. Ouais. Et si vous le voulez bien maintenant, je pense qu'il est grand temps de passer. Je vais un peu présenter les gens qui arrivent. Bah, présente un petit peu. Donc, il y a Take a Mike, Dooms. Exactement, les gars de Super Sound. On a trouvé Nekfeu qui est là. Nekfeu, Alpha One, le S-Crew. Il y a le Panama Bende avec mes gars Aladdin, PLK Aladdin qui vient de sortir. Addiction. Un EP, il va vous en parler. Enfin, il va en parler en kickant, je pense. Il y a Inf, le gars du 06, Zin. Il y a qui d'autre? Il y a Jamal, mon gars Kinry de San Francisco. Et on roule, il y a John H encore de Phénomène Busy. Ça va être chaud. Et bon, on peut attaquer? Vas-y, hologramlo, hein, toujours au platine. Et au platine, c'est l'heure du freestyle maintenant dans le studio. Vos réactions avec le hashtag Sneezy sur Skyrock et l'album est dans les bacs depuis lundi. Hein? Super! On va pêcher cette merde. UDNC Super Sound. Rah. Yeah. Je regarde un tas d'entailles, je suis de plus en plus son comme un tie and die. Tu fais du rap pour les abrutis, on fait pas le même bail. Vous connaissez mon jeu, j'ai trop péché mon dieu. Pas besoin de protéger mon dos, le seigneur s'occupe de l'arrière-garde. Trop parler peut tuer, je préfère que ma carrière parle. De manière propre, de manière forte ou bien de manière sale. Un visionnaire comme cœur, toujours en billionnaire. Boys Club ne m'appelle app. Je me fais sucer par IM dans un Cayenne noir. Je donne de la force à mes reilles, on s'en tape d'être blessé. Je pense dans le tram, t'es PC alors que ça m'effraie. Elle me dit pas que le cul faudrait aussi qu'on parle, boy. Plus de plans qu'un mec qui vend un million d'albums. Négro, t'as fait le voyou, mais la rue ne veut pas de toi. Majeur n'est pas en l'air, mais à l'horizon. Dog, ça me revient, vous êtes fruités comme des arlequins. J'ai le flow de MJ dans les années 80, donc parle bien. Je sors la canne à pêche, mais y'a pas d'appât au bout. Apparemment, elle reconnaît pas ma fine à part au goût, pas à l'odeur. Je fais du son pour moi et mes gars va autour et ça vaut tout. Ils considèrent qu'on travaille est à la hauteur. 95 gang, oops, dealer. Hey, on va leur dire yo. Merde, j'ai pas de tête dans la texte. Quoi? Je vais partir en impro ma main. C'est ainsi que ça se passe. Je gère la tech et je baisse des schnecks. dans Panama m'amène. C'est yeah. ainsi que ça se passe, laisse-moi placer mes phases. Yeah. J'arrive en deux, puis je n'ai que cet as. Je passe et j'efface toutes ces tâches qui n'ont pas compris que Doumam c'est le meilleur dans la place. Je suis allé avec mes refs pour le sneeze. Super, rien à foutre de ces super, on est allé en. Les surpasses, ah, c'est dit, vas-y qui va balancer quelques rimes. Je mène pas une vie personne, même si j'ai percé. Je perçois des personnes derrière les persiennes, seul dans mon appart sale. Ma soeur révise un partiel, y'a pas de loi impartial à part le ciel. Je suis entouré de zonards sur le sonar. Mais c'est trop tard quand les ennuis sont là. Les accusés sont sur le banc et transpirent comme au sauna. Les mères pleurent comme Sola. T'es jamais à l'abri, le mal me l'a appris, Une maman prie, pourquoi tu me l'as pris, oh Dieu. C'est pas le ciel, c'est les hommes. Oh Dieu, leur âme est scellée par le sexe et les sommes. J'ai vu le seum donner du sale. C'est comme si leur cœur avait regardé les deux yeux de Médusa. Le courage et la peur ensemble sont mes deux âmes. Quand je me sens déraciné, je monte au sommet des arbres. De là où je vois la mort. Faut être précis à l'approche, la vie c'est apprécier la vue, apprécier la branche. Le sneezy, tu perds dans les bacs. Oh, 1995, envoie, envoie. Ah, oh. Envoie. Hey, hey, hey, hey, super. Dope. Yeah, hein. Que des charbon sur charbon, je suis tombé dans le pot Al-Fakir. Laisse les brailler ton combat et pas, je suis le maître de mon avenir. La concu vaut pas la moitié d'une brique, qu'est-ce que tu veux bâtir? Dangereux quand je pose ma voix sur des ou mon pied dans une Knicks. Ouah, change de prod, change de prod, change de prod. Hey. Didi Lou ne respecte pas les frères. Hein. Envoie. Que oh my comme d'hab. Yeah, yeah, yeah, yeah. Super depuis lundi. Sneezy West. Yup. Que des charbon sur charbon, je suis tombé dans le pot Al-Fakir. Laisse les brailler ton combat et pas, je suis le maître de mon avenir. La coque, tu vois pas la moitié d'une brique. Qu'est-ce que tu veux bâtir? C'est dangereux quand je pose ma voix sur des kicks ou mon pied dans une sneaks. Comportement de grossiste, parle autant qu'une snitch. Pro tout sous logique, on veut, il sort des titres. J'ai l'inspiration et les tripes, conduit électrique. En freestyle, toujours de nouveaux tricks. One of a mon petit public, laisse les oublier le mot magique. Mon gars, j'ai rien contre les flics. Je vends pas de pilon. Ta soeur t'a dit que j'avais une bête de plume, je suis pas son pigeon. Addict à cette culture de plus 30 piges, gros, c'est le bon filon ou le piège. Vous éclabousse de punchline, j'ai fait sauter le bouchon en liège. M'en fous du trône, j'ai mon siège, je suis une ordure, on veut me tège. Gros, on endure, on se tait. Ils ont peur parce qu'ils sont lèges. Avant de mourir, ils s'arracheront mon flow, savoir à qui je le lègue. Redémarre la console audio, dans le rap, y'a comme un lag. Je vous termine, pas besoin de label, tu tiens le mic comme un labello. Je veux pas manquer à l'appel, en tête de rang comme un intello. Pour un feat, tu veux mon tel. Je vous baisse sur place, y'a pas de télo. Je peux faire toute la frotte en roue arrière, comme sur un vélo. J'ai 18 piges déjà dans le business et parfois j'en ai marre du rap. Je vais tous les mettre dans une voiture noire, ils vont crier d'appeler le 17. Ma mixtape est un braquage dans le rap lyricalement. Je mets des patates dans le crâne, ils parlent allemand. Ils veulent du calme, des cachets, des calmants. Pareil qu'on parle de moi du nord au sud de Paris. Pareil qu'ils m'ont vu là, mais j'y étais pas, je te le promets. Paro à d'exerti, on parle de tous nos projets. Y'a des réussites, des échecs, c'est le coup dur de la vie. Une énième tentative de les braquer comme d'hab. J'ai la haine, le port d'armes, trop d'appels dans le portable. Il ferait mieux d'appeler leur padré, ils s'inquiètent pour eux, mais ils pensent à rien. Nique sa mère, ils fument des joints. Demain, ils prendront des cachets sans même penser à Dieu que ma force. Y'a pas la main, on fera bientôt du bénéfice pour de vrai. Non, non, non, je veux rien savoir, je veux des BMW. Des grosses paires pour mes grosses pointures. Mes gosses perdus depuis le collège qui voient que la race humaine se prostitue. Je les entends dire, et Aladdin il a changé. Je crie que ta mère dans le microphone, je te barre la route dans le rap, t'es mort. On me dit que je suis étonnant, que dans ce rap je suis le métronome. Hors norme, mais les gars, j'ai les cartes, je les gagne. Ordonne, on me dit que je suis impérial, normal. J'ai des textes étonnants, bonhomme. Et si je refuse de paire, c'est le fort de paix que j'honore. Bré. Hey, I can't get a day off. Seen everything from a black president to the Clippers in the playoffs. Get off my dick and stay off. Ask the CIA about cocaine, they tell you hard work pays off. I'm Ray Charles to weak niggas, sneak dissing. My city's dying, I can't tell if you seen mission. I'm on a he mission, we some Trojans. Paris with a Trojan, bro, we got your queen missing. Yeah, indeed, bitches, it's me. I'ma roll to the end of my life, Christopher Reeves. And if indeed your chick is, listen to me. I'ma have her into foreign shit and sipping some lean. Hey, hey, but I wouldn't let it get to me. If you are what you eat, then I'm French pussy. Feeling French pussy. Two passports, two shots, two chops, two bops on dance floors. Well aware that this is not what you asked for. My boys and Manny don't get knocked to the damn floor. Niggas get hurt, activate the endorphins. You my son, if I died, you'd be an orphan. Oh shit, pour it, pour it, pour it, pour it. Bitch, I'm drunk like Boris. Your whole life is boring. Dank Sinatra, Da Vinci, don't call us, it's important. Bitch. Belle capane à ma bende. Bang. Ah ah. Tu dis quoi? Ok. Ouais ouais ouais. Panama Bende. Je veux me remplir les poches à rabord. Je me vois dans 10 ans une bombe atomique derrière moi sur le Raptor. Les premiers rayons, on sort des lunettes de soleil. À trop gratter, je vais plus en cours, je fais que des nuits blanches de sommeil. On court derrière l'argent et l'argent nous court après. Je veux que t'écoutes mon son le jour où on m'entoure à la craie. Quand c'est moi, cousin, faut que tu paniques. Je mets la pression comme 8 appels du daron, faut que tu rappliques. On a la haine ancrée en nous, on traîne en meute en loup. Je rappe toute la nuit, toute la journée comme un putain de fou. Ouais, le Panama n'a pas de concurrence, ça c'est dit. La haine ne se voit pas, non, elle s'écrit. Je suis vicieux comme la Céline sous le C. Je rappe pour mes gars en cellule qui grattaient sur le sol. Démarre le booster, par en is, tu veux. Je t'éclate l'air, donc Amir, glisse du feu. On dit quoi, yo? Panama Bende, PDM, on dit quoi? On dit quoi? Venant écraché par une pute, mon chemin est tracé. Je m'étais vu en place depuis qu'on prit qu'on vivait pour une niasse. Ta tasse me gratte, j'ai quoi vous mettre bien efficace ma cam. T'es quand la rétine de Pocahontas, naze. Sors du nasque, moi je m'endors, fils. Nique que t'es berceux, je finirai près de ceux qui persistent. Avec un piercing ou seringue pour trouver le corps, dissimuler l'épreuve. Mais tu sais que la vie c'est dur comme relation de père et fils. Faire ici avant la mort pour s'en remplir les fouilles et faire, faire l'amour à toutes ces putes pleines de vis. Sortir ma bite là où ça sent la piste, c'est pas mon style. Préfère écouler le shit avec l'équipe. Belle des mafias, elle sera légendaire. Dès que marqué une page du rap, on veut fumer tout le livre avec de l'herbe. En l'air sur leurs mains, braquer ses wack avec ma prose. Pose des barques, pose les mecs KO et j'ose. Dire que je suis meilleur que le fleu est new-yorkais. Chez nous, le chef d'orchestre est dirigé par ce putain de vis. Sur ma cigarette magique, si j'arrête la zig, je vois plus d'MC donc il me caresse la bite. Moi je veux vivre avec la trique, de la bonne que je veux choper, père. Ça ne peut me stopper, y'a que les flics qui arrêtent ma clique. Alors écoute bien, pour moi le rap c'est tout simple, cousin. Je peux gratter en dormant, j'ai un pot de l'inspire sous mes cousins. Qui t'a dit, voir détrôner la SF. Je vais te niquer avec un flic à bise, alors que fais ma vaisselle. J'ai écouté la concurrence, j'ai entendu le malheur. Je remets les pendules à l'heure et tout niquer en l'occurrence. Si vous voulez le calme, ils sont pas venus. Dans ma voix j'entends l'avenir à 3-4-0 sur l'avenue. Même les radars me verront pas. Et dis-toi bien que je suis pas un gangsta. J'aime pas les armes, je faisais de l'équitation. Et si jamais ça pose problème, et bah qu'ils viennent voir. J'attends les explications, et s'ils veulent, on peut même stop avec excitation. La musique, je lui fais confiance, je peux vendre ma parole. J'écoutais le tam-tam de mon daron dans le ventre de ma daronne. C'est chelou, je fais du rap, mais au fond de moi c'est pas le tap, c'est pas grave. Même si demain j'arrête, là au moins je laisse ma trace. J'applique un art que j'aime, mais que je critique en l'appliquant. Voilà pourquoi y'a plus de croix sur ce clip qu'au Vatican. J'ai entendu démocratie, hein. Dans un monde où même les politiques pour s'exprimer emploient démocratie. Voilà pourquoi plus rien ne m'étonne, des bouts de bois y'en a des tonnes. Fabriquer mon stock de feuilles et pour perdre, c'est pas besoin de méthode. J'ai tout ce qu'ils ont pas, ils ont tout ce que je veux pas. Mélange parfait pour réussir, ça tourne, mais la touche est en moi. J'ai tout ce qu'ils ont pas, ils ont tout ce que je veux pas. Pas de rap d'enfant, je peux pas trafiquer mon âge. Personne va me piquer mon argent. J'ai pratiqué mon art et fabriqué mon âme. Je savais pas que c'était impossible d'avoir un président nègre en France. Depuis je regrette l'enfance. On parle de l'avenir et des couloirs de la ville. J'avance tout droit, je navigue sur les boulevards de la ville. Du sud au nord, je dois vivre au-dessus de vos normes. Ouais, y'a que le vrai rap que Paris sud au nord. Trop de membres de ma famille en haut. Je vois pas la vie en rose. Les traîtres, les drones, les avions rôdent. Bellec à l'avenir, la faucheuse rôde. Mes yeux drôles savent lire leurs jeux drôles. Je suis dans mon sous-marin, je ne suis pas en croisière. Je veux pas d'un taf normal depuis mon stage en troisième. Ma mère c'est pas Marianne, mon papa c'est pas l'oncle Sam. Même s'il me vend de nombreux sables, je peux rien contre ça, hein. Mon seul sport c'est le shopping, classique comme Chopin. À part moi qui peut pondre ça, les gens jusqu'à Londres savent, hein. Laisse faire, Fall, Phyllis, n'espère pas me finir, hein. Pourquoi dès que t'as bu un verre, ton discours s'inverse. Appelle-moi Piccolo, j'ai un petit cœur et j'ai la main verte. Ni qu'une vie de dette ou de cheap and dead. Je suis un petit peu dead, je fume un petit peu d'herbe, hein. On prend le commandement, lentement, le gouvernementement. Déconnecte tes branchements. Super sound, enfoiré de merde. Don dada. Flingue, don dada. Yo, don dada, don dada. Yo, yo, jeune ça. Yo, yo, écoute ça. Yo, ça, écoute ça. Pas plus d'amitié pour dire vrai, tout ça, ça me dépasse, donc laisse-moi. Avec ma mif, j'ai l'espoir de les mettre bien à vie. Non, je veux pas ta pitié, ni ta grognasse dans le 8ème, en fait, moi. C'est pour ma mif que je bicrave pour les mettre bien à vie. Marie-Jeanne, c'est ma femme, la nicotine, c'est ma petite copine. En partant de ce point de vue, tu seras que je suis plutôt clean. Mais j'ai mes vices comme tout le monde, j'essaie de vivre comme tout le monde. On m'a dit, faut que tu t'aimes sans sucer de bite comme tout le monde. J'suis prêt à canner pour ma cause, top pour une dose de plus. On est pas parité dans le paraître, t'es qu'une rose de. Moi, c'est décidé, dans moins d'une décennie, j'aurai la destinée dessinée par le guide, à moins qu'on se désunisse. Je vois la dérivée des humains décimés pour du liquide aux valeurs décimales. Face au décédé, je reste un décimal. Je suis qu'un spécimen dissipé par les décibels. Pourquoi le deck se dep et regarder si mal. Moi, on voit que t'as pas pigé, je suis pas d'ici moi. Super simple, dealer. Super, super, super. Ouais. Ok, faut que je me tire à rue. Car ici tu vois des héros errer sur le terrain heureux comme Thierry Henry. Si aujourd'hui tu me tues, demain on enterre un héros. Et après tout ça, à partir loin, t'as intérêt à rire. Un keuf tuerait un rat pour une promotion sans sommation. Mais ils te diront que ce monsieur a accompli sa mission. Ces mots sont tout droit sortis de mon cœur qui s'amincit. Hey. Sur un banc, y'a des hommes assis qui font des sommes ici. On veut voir les billets s'amasser. Demande à mon sauce à Moussa, au sommet ça veut s'immiscer. Je suis sous monsieur. Et je mangerai bien sa Moussa. Le rap m'a fait une prise de soumission. Je pense qu'à bosser mes sons. Il faut que je vois souvent maman rire. Revivre certains moments rares. Mais je note qui reproduit les mêmes erreurs. Et avant de voir les miens mourir, il faut que je les rende fiers un par un. Mes frères, il paraît qu'il faut être fort et pari dès que l'enfer apparaît. C'est le binôme infernal, sors le matos, prends le bédo. Je préviens que ça va faire mal comme le lapin dans le métro. C'est pour mes gars de Mersco qui font du bif, arrête la hesse. Tu kiffes avec la tête, c'est qu'on kick avec la tech. Hessenet sur Hessenet, je l'ai fait hop, je l'ai ferai. Pour l'instant, je suis dans l'optique de gérer des Renzettes. La recette, on cherche tous à se la procurer. Faut que le procureur, trop de curieux, ça a trop duré. Au stud, je me dis tu les tous. Je compte mes bullets tous, c'est pour tous mes coups. Équipé d'un putain de bulletproof. Faut-il un style sophistiqué ou être trop d'estime? On est sif, man nocif. Pour les flics, faut-il kiffer, hein? C'est ce que je me demande. Quand je me dis qu'faut que je les démonte. Delta main, je reçois plein d'amendes. Merde. On massera pas la loi, je suis pas un padawan. Voilà rien d'un balavoine. Je parle à toi quand t'as pas la nerf, tu passeras pas la douane. C'est leur père qui rime, je viens de Berry City. Je suis le best, tu veux te laisser dans un bank, je t'élimine. C'est pour tous mes refs qui fument de l'herbe à l'air frais. J'aime quand une voiture de gueuf me laisse traverser. J'adore ça, sale pute. Ok. Jean, yeah. John, c'est moi, yeah. On serait à l'époque, ce serait nous les gueux. C'est depuis que je suis né que on s'obstine à croire que notre destinée sera dégueu. Mais j'admets que j'ai plus souvent la flemme que j'assume le cliché grosse que yes, I'm a real nigga. Pour revenir à mon avenir, je me dis qu'il est pas beau. Mais trop d'appétit, petit bateau veut devenir pas de beau. Un titan Nix, ils aiment pas nos blases, on brise la glace. Phénomène n'est pas le Titanic. J'accumule les risques, ils disent qu'on est pas rond. Le cerveau rayé comme un disque, ils tournent pas rond. C'est pour mes mauvais garçons, nos whisky n'ont pas de glaçons. Gara son vie Smith, on sait comment les garçons. Ils cherchent le succès, font tout pour qu'on les mette bien. C'est bien si tu suces, c'est encore mieux si tu suces bien. Sans couille t'as pas de valeur, sans valeur aucun ennemi. Donc que mes ennemis viennent voir ce que valent mes couilles. Busy, busy dans le bac, dire. Panama Bende, on est là, gros. Infinite dans ma fondation 06. Super Zin. Monstre Super Zin. Plus, plus de super. Super, super. Super, super, super, super. Zin, d'en bas. Ça fait 1. J'arrive au taquet, te casse. Zin. J'arrive au taquet, te casse. J'fous en l'air la défense. Gros taclé, je passe. J'refuse tout ce qu'on me propose. Sponsor, featuring, concert. Sauf pour un beau paquet de cash. Y'a que ça qui m'intéresse. Pendant que ces jaloux me regardent comme des hiboux. Dans la jungle comme Mowgli. J'reste frais comme un igloo. J'comme un Inglewood dans ma paire de Timberland. Même les bidards courent quand le Desert Eagle chante. Peter Pan, rah, rah, sur ses fils de teintures. J'aime que le caviar et le foie gras, nique le pain dur. Mix de la vodka avec de la Red Bull. Certains ne sont plus là, je ne les verrai plus. Pour eux, je dois faire le strike, porter les plus belles paires de Nike. Des fois, les bulles dessinent leur visage dans mon verre de Sprite. C'est pour ça que j'ai du feu dans les yeux depuis plusieurs années. J'en verse un peu pour eux, les uns ne meurent jamais. Zin. Plus. Super dans les bacs. Super dans les bacs. Sneeze. Un affaire ça. Dis-leur en écrit, c'est comment? Tu sais que c'est les ténèbres à la minute où je parle biatch. On peut causer ensemble mais jamais de la France tu me toucheras. Tous tes rappeurs c'est des imposteurs. Ils inventent des vies à longueur de journée. C'est des parfums qui n'ont pas d'odeur. C'est des chiens qui n'ont pas de race. Des clopes qui n'ont pas de marque. C'est des studs qui n'ont pas de mic. Des putes qui n'ont pas de mac. On veut du ralice donc le bien fait ses valises. Qui t'a dit que dans le Panama le sérieux n'était pas de mise. Ramène un café clope. La routine c'est relou. Pour toi c'est la catastrophe. Si un de tes gars va regarder chelou. J'ai tout misé sur le peur, j'espère que c'est la solution. Si ça marche pas, je vais voir Toby. Je reprends un 2000 oxon. Je rappe en groupe ou tout seul. Je suis un électron libre. Je rappe pour mes roues sous bracelet électronique. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Des 16 à gogo, j'en ai. Fous le bordel sur scène. Et ça, dès le poco d'entrée. Si tout fait pour les gens. Moindre dispute, ils t'oublieront. Déçus de ceux qui rampent. On veut de la soupe, il faut des sous qui rentrent. C'est le souk. Je veux pas d'une zouze exubérante qui zouk. Sinon, je devrais couper le souffle soupirant. Ils me supplieront de les épargner, mais je suis pas économe. Quoi? Eh connard, laissez parler les vrais bonhommes. Tu sais, tant qu'un frère frère a du cœur, j'ai rien à foutre de ses stats. On a passé le stade de se demander qui s'estape. On s'estime et les doutes s'estompent. J'suis pas assez stable, si sta s'estompe dans vie et s'esta. Feu, feu le 8 juin. Allez pêcher cette merde. Dealer, hologramme, c'est comment? Super, mais que sont devenus les gens qui me disaient que j'étais foutu? Aujourd'hui ils m'écoutent tous, ils se sont fait péter le trou du cul. Je te fais le débrief, j'ai 22 piges, j'ai les poches pleines de bif. J'évolue, j'ai résolu tous mes problèmes de mif. Sprinter, sachez que la vie c'est une course de fond. Je prendrai le temps qu'il faut, mais quand j'y resterai pour de bon. Ils parlent de s'en sortir, se branler, se vendre dans le vide. Manque d'envie, je vais les endormir. Des idées, j'en ai encore mille. Plus sur vous, je me pavane. J'ai surtout trop de panache. Habitue-toi à ma ganache. Bâtard, je suis là pour 130 piges. Vous voyez moi, car je ne tutoie que des sommets. De moquer, n'essaye pas, réveille-toi si tu crois que j'ai sommeil. Je vis dans un monde utopique. Je suis là pour faire du profit. Je me fends la poire. Ils veulent prendre ma place, mais c'est perdu d'office. Fais la bise même à ton ennemi. Je connais les rouages du métier. Beaucoup sont fans de moi et d'autres n'ont pas le courage de m'aimer. Y'a pas d'amour entre nous. Laisse-les dessiner des cœurs. Je fais des heureux, je fais des euros. Je me fais désirer des heures. C'est même époustouflant, souvent vous avez tous tout faux. Je m'en bats les couilles des anciens comme je m'en bats les couilles des nouveaux. Coup de couteau, trop de catin dans mes patins, de gros tapins. Donc je les baisse tous haut la main, je suis forcé d'être un chaud lapin. Je crois que c'est l'heure, je vais leur montrer toutes les étapes. Ils ont 10 ans de plus que nous, je doute qu'ils aient monté tous les étages. Vous avez beau être 800 ou 1800, échec cuisant, Dieu est tout puissant. On est tous ses esclaves, je suis pas là pour sympathiser. M'affilier avec ces schlags, valider leur taf de merde, c'est pactisé avec le diable. J'ai un écho surdimensionné, je me mets sur un piédestal. Quand vous m'aimez, vous m'aidez à faire rester stable ou devenir détestable. SNZ, la session live. Laisse-nous un dernier freestyle. Allez, dernier. Ok, on est un, tu sais qu'on se relax. Oh, nigga, laissez-moi mettre la place. Yo, écoute ça, des fois qu'il n'écoute ça. Je t'écoute grave, je t'écoute grave. Écoute ça, yo, écoute ça, non. Aladdin, tu vas pas me blaguer, j'ai des coups de ça. C'est genre de freestyle qui se termine pas. Il veut pas me laisser démarrer mon couplet, wesh mon gars. C'est quoi les bites? Depuis tout à l'heure je veux dropper juste quelques phases. Mais les négros me font chier, ils veulent que je sorte le schlasse. Me laisse bête, je suis allant freestyle, freestyle. Rien à foutre des masses, vas-y roule un autre star. C'est ainsi que ça se passe, on était à le pour super. Oui c'est dead les frères. Mais super. Wesh les mecs, fais du bruit pour super. Yeah. Super. Fais du bruit pour super. Merci Fred. Merci à vous tous pour ce gros live encore une fois de plus dans l'émission. Toujours, toujours. Et on approche déjà mine de rien de la fin de ce Planète Rap. Demain la dernière. Exact, demain vendredi la dernière. C'est passé vite. La semaine est passée super vite. C'est fou. J'ai l'impression que c'est mardi. C'est dingue. C'est dingue. J'ai l'impression d'être devant Bayern Barça. Ouais, c'est ça. Mardi dernier. C'est un truc incroyable en fait. C'est dingue. Le temps passe vite. Merci en tout cas Sneezy. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont pêché le Scud. Doom c'était là aussi ce soir avec Noël. Aladdin était au freestyle. Exactement. Avec Mike aussi. Avec le clip qui arrive là. Là, on va, tu vois, tu attendais le clip. Le clip, ça y est, c'est maintenant. Exactement. Je l'ai déjà vu en avance. Ça arrive. T'as vu. C'est pour ça, il a bien avancé. Je suis pas à l'heure au niveau des sorties. C'est quoi le nom du morceau et le nom du clip? J'évolue. C'est le premier clip du projet Évolution qui arrive normalement en juin. Et signé donc sur le label Super Sound. Exactement. Super Sound. On est là, frère. Et ben, merci à vous. Demain, on se retrouve pour la dernière. Exactement Fred, on va être chaud avec des gros invités encore. Des gros invités pour la dernière dans Planète Rap et là on retrouve. Avant de retrouver Diffoul, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Allô Andalin de Saint-Mauran, ça va bien? Allô. Ça va en pleine forme? Ouais. Et bah bienvenue dans le Planète Rap de Sneezy cette semaine. Andalin, tu es prêt à faire tourner la roulette? Je suis prêt. Allez, on y va. Et la roulette qui va s'arrêter sur la case pour toi, c'est... Et ben voilà, c'est les places de ciné. Le film est sorti aujourd'hui, le film Mad Max Fury Road. Le retour de Mad Max, pour ceux qui ont connu, qui sont un petit peu anciens, il y a une version dans les années 80, que je n'ai pas connu et que tu n'as pas connu non plus, Andalin. Mais celle-ci de 2015 défonce vraiment et c'est pour toi. T'as 5 places, Andalin, pour emmener tes potes, tes copines, qui tu veux, au ciné. Tu veux passer une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. À dédicace à ma famille, à ma soeur Pauline, à, ma... à mon pote Miguel Latouet, et tout ça. Merci à toi Andalin. Ah, merci. Et merci à Sneezy qui était là. Yeah, merci encore... à tous, et merci qu'on... à tous. Allez, pécho, super. Et qu'on va retrouver demain en super soirée. Super, c'est ça. Super, sur iTunes, à la Fnac, partout. Passez une super soirée maintenant. Super soirée à vous. Avec l'équipe de la Radio Libre, c'est parti maintenant. Difool, on y va, coup d'envoi. Bah, coup d'envoi, la super équipe, Fredo. Eh ouais, tout le monde est là. Super équipe de la Radio Libre avec Super Rana, alias Romano, qui c'est est avec moi. Nous. Avec oui. Avec Pétoman, qui est là aussi. Ouais. C'est moi. Salut, c'est Cédric. Ouais, salut tout le monde. Avec Super Bonne, c'est la Marie. Ah ouais. Oh, merci. Ouais. C'est avec Super Marseillais. Super Marseillais. Oh, ouais, moi, ouais, oui. Génial. Appelle-moi Super OM. Oh, c'est génial. Et avec également Super Comique. Eh ouais, super marrant. Et Super Chum, mon. Et Super Vous avez oublié Momo? Si, eh ben Super Chum. Super Chum. Ah, d'accord, je crois que c'était. Tu veux récupérer Super Chum en échange. Excusez-moi, je crois que c'était pour un autre membre de l'équipe. Ah, ça marche aussi. Allez, la Radio Libre, ça démarre dans un instant sur Skyrock jusqu'à minuit.